copier, mais pas coller. Copier mais pas coller, vous connaissez le concept. On prend une chanson et on vous propose l'une de ses réinterprétations. Aujourd'hui, on s'intéresse à une chanson de Bob Dylan, Ain't Talking, ne parle pas. En 2006, Bob Dylan sort son album Modern Times, les temps modernes. C'est son 32e album, un album très blues, très folk. En quelques semaines, Modern Times va se hisser au sommet du Billboard et sera vendu à plus de 4 millions d'exemplaires un petit peu partout dans le monde. C'est un album très écrit. Le New York Times publie un article explorant notamment les similitudes qui peuvent exister entre certaines paroles de Modern Times et l'œuvre du poète du 19e siècle, Henry Timrod. D'autres médias y verront aussi des emprunts au poète romain du 1er siècle, Ovid. Certains professeurs américains iront même jusqu'à accuser Dylan de plagiat. C'est notamment le cas avec la chanson qui nous occupe aujourd'hui, Ain't Talking. Cette chanson est sans doute l'une des plus noires écrites par Bob Dylan. Elle est inspirée des vers du poète Ovid, mais aussi de textes bibliques et de la Kabbale. Le journaliste musical Andy Green, écrivant dans Rolling Stone, souligne à propos d'Ain't Talking. C'est une chanson sur un voyage à travers une région désolée, paysage violent, tout droit sorti du livre The Road de Cormac McCarthy. Et presque chaque ligne, continue le journaliste, dégouline de malheur et d'effroi. C'est Dylan à son meilleur, conclut Andy Green. Ce qui est assez rare, d'ailleurs, sous la plume de Dylan, c'est qu'avec In Talking, on n'est pas dans un discours au sujet de la rédemption, mais plutôt dans la vengeance. On écoute In Talking. Out tonight in the mystic garden, the wounded flowers were dangling from the vine. I was passing by a young cool crystal fountain. Someone hit me from behind. Ain't talking, just walking through this weary world of hot burning, still yearning. No one on earth would ever know. They say prayer has the power to heal, so pray for my mother. In the human heart, an evil spirit can dwell. I'm trying to love my neighbor and do good unto others. But oh mother, things ain't going well. Ain't talking, just walking. I'll burn that bridge before you can cross. Heart burning, still yearning. There'll be no mercy for you once you've lost. Now I'm all worn down by weeping. My eyes are filled with tears, my lips are dry. If I catch my opponents ever sleeping, I'll just slaughter them where they lie. Ain't talking, just walking through the world mysterious and vague. Heart burning, through the cities of the plague. While the whole world is filled with speculation, the whole wide world which people say is round, they will tear your mind away from contemplation. They will jump on your misfortune when you're down. Ain't talking, just walking, eating hog-eyed grease in a hog-eyed town. Heart burning, You'll be glad to have me around. They will crush you with wealth and power. Every waking moment you could cry, I'll make the most of one last extra hour. I'll avenge my father's death and I'll step back. Ain't talking, just walking. Hand me to death by walking cane. Heart burning, still yearning. Got to get you out of my miserable brain. That's been long abandoned. Ain't no altars on this long and lonesome road. Ain't talking, just walking. My mule is sick, my horse is blind. I'm burning, still yearning. Thinking about that gal I left behind. Well, it's bright in the heavens and the wheels are flying. Fame and honor never seem to fade. The fire gone out, but the light is never dying. Who says I can't get heavenly aid? Ain't talking, just walking. Suffering is unending. Every nook and cranny has its tears. I'm not playing, I'm not pretending. I'm not nursing any superfluous fears. Ain't talking, just walking. Walking ever since the other. Entendre In Talking de Bob Dylan, un morceau figurant dans son album de 2006 Modern Times. En 2019, le chanteur français Bertrand Belin sort son sixième album solo Persona. Bertrand Belin est un auteur, compositeur, interprète, écrivain et acteur français né à Quiberon dans le Morbihan. Il s'est installé dans le paysage de la chanson française comme une valeur sûre avec une voix de crooner qui pourrait faire penser à Alain Bachung. Bertrand Belin travaille pour et avec ce qui se fait de mieux sur la scène française et c'est sans doute l'une des plus belles plumes de la chanson actuelle. Pas étonnant donc qu'il ait eu envie de se frotter à Bob Dylan et c'est justement en enregistrant son album Persona que Bertrand Belin décide en 2019 d'adapter en français Ain't Talking. Cela donnera à la chanson le feu au cœur. Traduire une chanson de Bob Dylan est un exercice périlleux, or Bertrand Belin s'en sort à merveille sans dénaturer les intentions de l'auteur. Je vous laisse écouter tout de suite Le Feu au Cœur. comme la nuit, je m'avance dans ce jardin. Aucune fleur debout, pas de parfum. À la fontaine, au champ glacé de son eau, je sens l'ennemi dans mon dos. Je me tais, j'avance dans ce jardin noir de bleu. Le feu au cœur, j'avance, tout s'ignorant, tout de ce feu. On dit, prie et tout va mieux. Ô mère, prie pour moi si tu peux. Il faut aimer son prochain, mais tu vois comme un oiseau noir niche au cœur de l'homme. Je me tais, j'avance. Passé, je brûlerai ce pont. Le feu au cœur, j'avance. Les pauvres ne portent même plus de nom. Je suis là, là de pleurnicher. Les larmes ne m'ont rien apporté. Si je devais les trouver endormis, je tuerais un à un mes ennemis. Je me tais, j'avance parmi les fourberies et les tromperies. Le feu au cœur, j'avance par les villes foutues, vidées et endormies. Le loup capital veut ta peau, le monde cupide veut ta peau. Elle te fera lâcher tôt la lutte. Toi-même, tu guideras ta chute. Je me tais, j'avance parmi les on-dits dans les commérages. Le feu au cœur, j'avance. Il est temps de faire équipage. Leur mépris bientôt te cloue. Un beau matin, tu ne te lèves plus du tout. Quant à moi, au bout où je suis, je veux venger mon père à tout prix. Je me tais, j'avance. Le pas mal assuré dans la pente, le feu au cœur, j'avance. Toujours ton image qui me hante. Mes compagnons de route, mes sœurs, elles n'ont pas moins que moi le cœur en flamme. Mais il n'y a pas ici de chapelle pour déposer le fardeau de nos âmes. Je me tais, j'avance. Mon chien est à bout, le feu au cœur, j'avance. Toujours ton image qui me hante. Maintenant, le ciel s'ouvre. On veut se sentir soulagé. bonheur, sagesse et rides. D'aucuns disent que le ciel est vide. Je me tais, j'avance sur mon dos où le reste d'un des miens. Le feu au cœur, j'avance dans le talon. Un mal de dents du chien, la peine semble sans fin. Partout de quoi pleurer, partout qui pense que cette peine est feinte n'a qu'à venir ici prendre le pouls. Je me tais, j'avance. Voilà bien longtemps, je crains le feu au cœur, j'avance de n'être plus qu'un point dans le lointain. J'avançais dans ce jardin, dans la soirée d'été, dans l'herbe chauffée. Pardon madame, j'ai dit pardon madame, il n'y a plus personne, plus de jardinier. Je me tais, j'avance, me voilà dans le haut du paysage. Le feu au cœur, j'avance au bout des bouts, dans le haut du paysage. C'était Le Feu au cœur de Bertrand Belin, l'adaptation d'Un Talking de Bob Dylan. Bertrand Belin qui va sortir un album prochainement. Un album qui aura pour titre Tambour Vision. On termine ce copier mais pas coller avec une chanson de ce nouvel opus de Bertrand Belin, Que dalle tout. Copier mais pas coller, c'est terminé pour aujourd'hui. Tout, tout, que dalle tout.